fâché. Mais nous pas qu'arriver communiquer. Yeah. Pour vous, pour moi c'est travail. Moi vine pour moi bé faire von nous bougé. Flair. Chantez là pour moi, tellement belle. Yes. Mais on lui fait où goûter. Jodi la pou mwen telman bel. Mwen anvi fè ou koute. Un coup de ciel, va moi. Un coup de ciel.